On est un peu à la bourre, mais le 12 août 2024, on a eu droit à une tonne de news Star Wars dans le cadre du D23, la conf Disney annuelle. Faut qu'on en parle. Et là, Grushkov, tu mets le générique. Je suis Adrien, et je suis accompagné cette semaine de notre Dana Scully nationale, Maddy. Salut Maddy. N'importe quoi. En vrai, je suis plus Mulder que Scully, oh. C'est vrai, t'es beaucoup plus Mulder que Scully, finalement. Ouais. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, depuis qu'on a commencé à regarder X-Files ensemble, c'est vraiment... l'un et l'autre, c'est vraiment les deux faces d'une pièce... Exactement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que t'as fait ta semaine, Maddy? À quoi t'as joué? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Eh ben, j'ai joué à Stardew Valley parce que je suis accro à la vie de la ferme. J'ai créé un monstre, vraiment. Je suis retournée sur Genshin Impact hier. Oh! Et c'est tout. D'accord, donc ça pexe alors. Ouais, on va dire ça. Yes. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau? À quoi j'ai joué? J'ai recommencé à jouer à Judgment, parce que je les ai pas encore fait, les deux Judgment, là, spin-off de Yakuza. Et j'ai commencé à lire un livre sur Yakuza, justement. Un livre en français, je crois que c'est le seul qui a été écrit sur la franchise, qui a été écrit par... un auteur qui s'appelle, laisse-moi retrouver ça, Victor Moisan, ouais, c'est ça, qui a notamment écrit pour pas mal de journaux en France, qui a donc écrit un livre sur la franchise Yakuza, Like a Dragon, et c'est vraiment trop bien, il écrit bien, et j'en suis qu'au début, mais c'est vraiment intéressant. Voilà, donc full Yakuza en ce moment, le bonhomme, vraiment. Allez, yes. Voilà. Voilà. Bon, il est temps de parler de ce pourquoi les gens nous payent. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Les liens sont dans la description. On va parler donc du D23, Maddy, avec quatre principales news mises en avant pendant cette conférence organisée par Disney. On va commencer par le plus gros morceau, si tu le veux bien. À savoir okay. Le trailer de Skeleton Crew. Oui, donc on a eu... alors en fait, c'était même le 10 août, j'ai dit 12 août, mais on a eu le trailer le 10 août sur YouTube, où on voit justement les personnages de la série. Donc c'est 3 ou 4 jeunes, je sais plus exactement, qui viennent d'un endroit qui a fait un peu polémique, hein, on le voit sur les réseaux sociaux notamment... un endroit qui ressemble quand même à un suburbs américain. Et ça fait très Goonies, la bande-annonce. Moi, j'adore. Ça va trop être ma cam. T'en penses quoi, Maddy? Ah, je suis hypée à 100%. Donc, Ah, putain, pareil. Alors, attention, ça va être unpopular opinion. Je suis plus hypée par Skeleton Crew que je l'étais par The Acolyte. Ah ouais, putain, d'accord. Ok. Mais je pense que, comme tu disais, c'est la vibe Goonies, Stand ouais. By Me... Ouais. Ces films qui suivent des enfants, leurs aventures, vraiment, c'est ma cam, c'est trop mignon, c'est... Mais pareil, ouais, vraiment, j'adore, depuis tout petit, je sais que les Goonies, ça a vraiment été un film qui m'a forgé dans ce que j'aime dans le cinéma, notamment en termes de rythme et de personnages, c'est vraiment un film intéressant, et là, ça a l'air de vraiment reprendre pas mal de thématiques, hein, même, tu vois, cette idée de suburbs américains, enfin... C'est marrant, on voit des trottoirs et des lawns dans Star Wars, tu vois. Mmh. C'est quand même fou. C'est ouf, c'est bien, ça va apporter du nouveau en termes de direction artistique, et c'est super cool. Ouais, on a vu certaines réactions sur notre serveur Discord, notamment de notre très cher Grushkov qu'on aime, qui disait justement que ça le sortait un peu, tu sais, cette ambiance un peu suburbs et tout ça. Et moi, en fait, j'ai répondu que justement, je trouvais ça cool parce que plus on montre de diversité dans Star Wars, finalement, plus ça va me plaire, quoi, en fait. Bah, je suis un peu pareil que toi, mais je comprends quand même Bien sûr, ouais. la réaction de Grushkov par rapport à ça. C'est vrai que Ouais. ça Bah, c'est fait pas, déroutant. c'est pas du visuel qu'on a déjà eu dans Star Wars. C'est vrai que c'est un peu Ouais. déroutant, mais après, je sais pas si on verra beaucoup le suburb Ouais, je sais pas non plus, dans la ouais. série. Ce sera Ouais. peut-être dans les premier, deuxième épisode, et puis. Ouais, voilà, je pensais vraiment qu'un setting de départ, quoi. Mais moi j'aime bien, tu vois, même cette ambiance un peu carton-pâte avec, tu sais, les différents personnages. Enfin, à un moment donné, il tombe sur un squelette, tu vois, et vraiment, Ça, c'est Willy c'est. Le Borgne, quoi. Ah, bah, complètement, c'est full les Goonies. Ouais, tu vois, et même cette espèce de droïde dépareillé qui, enfin, je sais pas, je pense que ça va vraiment être pas mal comme série. C'est une série qui est notamment showrunnée, il me semble, par le mec qui a fait les derniers films Spider-Man, la trilogie. John Donc Watts. John Watts, c'est ça, avec donc Christopher Ford à l'écriture. Ah, et on a les noms des personnages, Wim, Fern, KB et Neil. Donc c'est les quatre personnages enfants. Là où le personnage de Jude Law s'appelle, alors je l'ai écrit, Jod Na Nawood. Donc ça va être cool de voir ces personnages autant couleurs. Et ça va, je pense vraiment ça va être bien. Moi, j'avais eu la chance de voir un extrait à la Celebration il y a maintenant 1 an et demi, bientôt déjà, ouais, ça va vite. Et ça rendait bien, mais ça m'avait pas autant hypé que ce trailer. Bah, vraiment, ça a l'air. Enfin, bon, déjà, il y a Jude Law et j'adore Jude Law. Ouais. Surtout s'il joue là un peu une figure paternelle ou un peu rebelle. C'est cool. Il y a des gamins et aussi, alors, ce qui m'aille dans la série, c'est que c'est les Daniels qui font. Oui, il faut un épisode ou deux, je crois. Alors, ils sont à la création, et il y a aussi David Lowery à la Oui. création. Ouais. Et on va dire que ça, avec un peu de chance, ça sent la qualité, quoi. Bah, en tout cas, sur la tête, enfin, sur le papier, je vois pas comment ça pourrait être nul. Voilà, exactement. C'est ce que je. On n'est pas à l'abri d'un, voilà, mais vraiment, ça va être. Enfin, comme tu dis, genre avec les réals et tout qu'il y a, avec. Enfin, je pense que ça peut vraiment être bien, quoi. Est-ce que t'avais vu le Peter Pan de Lowery ou pas? Non, je l'ai pas vu parce que j'ai jamais trop kiffé Peter Pan, mais j'ai vu son Ouais. Peter et Elliot le dragon. Et C'est bien? ah ouais, j'ai les. Ouais. Il est vraiment super cool. D'accord. C'est Alors, moi, j'ai. mignon, il y a des super acteurs. Ouais. Vraiment, c'est. J'avoue que de lui, j'ai vraiment vu bah, Peter Pan et Wendy. Et c'était. Enfin. Et Grushkov, il va nous taper, on n'a pas vu The Green Knight. Bah, je sais bien, ça fait des années que je dis que j'ai envie de voir The Green Knight, mais on pense à Grushkov qui adore ce film. Et on le comprend parce que enfin, ça a l'air d'être vraiment bien. Mais c'est vrai que vraiment, son Peter Pan, je pense il a été injustement boudé parce que visuellement parlant, il est super intéressant. Et même sa manière de reprendre le mythe de Peter Pan, vraiment, c'était cool, quoi. C'était un film qui était cool. Moi, je suis pas un hater des adaptations live de Disney, parce que vraiment, il y en a. Je crois qu'il n'y en a pas d'incroyable, mais c'est pas des catastrophes, ces films-là, en vrai. Pour moi, ils sont jamais nuls à chier. Ils sont au pire sympas. Pas non, bof. Au mieux sympas. Et je trouvais que Peter Pan était vraiment, vraiment, vraiment bien. Pas vraiment bien. Il y a des trucs bien dedans, quoi. Bah, autant Enfin, voilà. Peter Pan, je peux comprendre un live action, mais tu vois, par exemple, je comprends pas ce côté. Le Roi Lion, par exemple, tu vois, ça c'est vrai que je comprends pas. Ouais. Bah, alors moi, je vais t'avouer un truc. Peut-être que les gens vont me Tu détester. n'aimes Mais pas le Roi Lion? déjà, le Roi Lion classique, en animation, j'aime pas. Et en fait, je trouve que limite, la version live, moi, je l'ai préférée parce qu'il y avait des chanteurs que j'aimais bien dedans. Donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Aïe, Par aïe, contre, aïe, aïe, aïe. non mais voilà, bah voilà. Par contre, moi j'annonce et je le dis ici devant tout le monde, le prochain Roi Lion, la Mufasa, réalisé par Barry Jenkins, ça va être une tuerie. J'en suis persuadé. Le Ah, film va vraiment visuellement, en être tout trop cas, bien. ça a l'air différent. Ça va être trop bien. Moi, j'annonce, vous l'aurez entendu ici en premier, ça va être incroyable. Voilà. Ah, va falloir qu'on parle des parcs. Va falloir qu'on parle des parcs. Absolument. Et c'est une news que j'ai mis un peu plus loin. Ah, et puis on n'a pas fini Skeleton Crew. Qu'est-ce qu'il a dit, Jude Law? On n'a pas fini Skeleton Crew, puisque Jude Law, il a dit qu'il est tombé amoureux de Star Wars quand il avait 12 ans. Non, 10 ans, pardon. Et du coup, ce qu'il aime le plus dans la série Skeleton Crew, c'est que c'est raconté à travers les yeux des enfants, de leur point de vue. Et du coup, c'est important pour lui de jouer dans cette série et d'intégrer cet univers Star Wars, parce que c'est vrai qu'on l'avait jamais vu dans Star Wars avant Jude Law. Et non. Ouais. Et ouais, j'aime bien cet acteur. Et puis aussi dans la série, on aura Nick Frost. Oui, Nick Frost joue le rôle d'Android, c'est ça? Je sais plus exactement. Oui. Ouais, c'est ça, hein, ça va être rigolo. J'ai hâte de on l'avait voir jamais ça. Eu dans aucun Star Wars de Nick Frost? Je crois pas. Attends, je vais regarder. Il faisait pas un feat genre dans TFA, ouais. Parce qu'il y a Simon Pegg, mais est-ce qu'il jouait pas un peu dedans aussi? Je pense pas. Je sais que Simon Pegg est pote avec J. Abrams. Ouais. Mais Nick Frost, je crois pas. Bon, quoi qu'il arrive, il va jouer dans Skeleton Crew. Et Skeleton Crew arrive donc sur Disney Plus hiver 2024, c'est ça, hein? Ouais. Décembre, ça arrive, ouais. Ça arrive, donc c'est vraiment très bientôt. Et donc ce sera la prochaine série Star Wars à sortir. Et on a très très très très hâte. Le D23 a également été l'occasion pour Disney de parler un peu plus de la saison 2 d'Andor. Alors, est-ce que tu as vu ce qu'il en est, Maddy? Oui. Bon, déjà, on aura la saison en 2025 et yes, on aura le retour de deux personnages de Rogue One, Krennic et K2SO. Absolument. Alors moi, je suis désolé, mais j'associe maintenant Krennic à Tuki. Si Tuki nous entend, on t'aime. Et j'ai vraiment pensé à toi quand ils ont annoncé Krennic, parce que je sais que tu aimes beaucoup ce personnage, Tuki. Voilà. Moi aussi, j'adore ce personnage. Toi aussi, mais je sais pas pourquoi. Tuki, là-haut. Dans ma tête, j'associe Krennic avec Tuki. C'est le choking kink. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Mais en tout cas, ouais, Diego Luna, toujours aussi beau, toujours aussi stylé. Il est arrivé sur scène en parlant en espagnol à la D23. Enfin, c'est stylé, quoi. C'est cool. On l'aime. Et ça va. C'est con parce que, genre, ils auraient jamais dû le faire mourir dans Rogue One, Cassian, vraiment. Ouais, ça me rend triste un peu. Ah, ça fait partie du fait que Rogue One, ça reste un film assez incroyable et culotté, quoi. Ouais, moi, du coup, ça me frustre. Vraiment, j'aime pas quand les persos, ils meurent. Oui, je comprends, mais... Ouais. C'était essentiel à l'histoire. Ouais, même si, bon, dans mon headcanon, il s'enfuit avec Jean et puis ils élèvent des lamas sur genre une planète au pif loin. Voilà. Bref, on passe à une autre news, Maddy, puisqu'on a également eu des news de la part de Jon Favreau et Dave Filoni, rien que ça, à propos du prochain long métrage The Mandalorian and Grogu. Et oui, on a eu un teaser et on a appris que la série allait sortir, que le film allait sortir le 22 mai 2026. Ça fait long, hein, quand même. Ouais, c'est loin un peu, mais ils ont commencé à tourner. Ouais. Non, je pense pas encore, si. Attends, est-ce que c'est marqué? Aucune idée. Non, je ne crois pas qu'ils aient commencé à tourner déjà. Ça m'étonnerait, mais ouais, enfin, ça fait vachement long, en fait, hein, mine de rien. Ça fait vachement long, et puis surtout, le film, il sort, si je dis pas de conneries, le même jour que Avengers Doomsday. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette polémique, t'as raison. Oui, c'est vrai. Et c'est ils vont faire comme Solo, quoi. Ils vont planter le film. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Tu sais, des fois, ça peut être bénéfique de sortir deux films en même temps. Enfin, je vous espérais quand même que les analystes financiers de chez Disney ont pris ça en compte, parce que c'est... Je ne leur fais pas confiance. Ouais, non, c'est clair qu'ils nous ont montré plusieurs fois que c'était un peu compliqué pour eux, parfois. Mais, ouais. Enfin, je pense que, du coup, cette date-là, si aucun des films n'est retardé, ce qui n'est, enfin, est probable, hein, que les films soient retardés ou que ça change de date, bah, écoute, beaucoup de gens vont passer leur journée au cinéma, hein. Et, petite pensée à tous les parents qui vont devoir payer 60 balles la journée pour aller au cinéma avec leurs enfants. Pour aller voir deux films. Attends, tu veux dire pour faire une double séance, non? Bah, ouais. Malade, non? Bah, je sais pas, hein. Ça va coûter cher, hein. Ouais, ça, on pense, ça. Ouais, c'est les ovnis qui font des doubles séances. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est pas facile. C'était quoi? C'était pour aller voir, je crois que c'était pour aller voir, Predator. Tu sais, le dernier qui est sorti, là. Enfin, l'avant-dernier. Ouais. Qui était vraiment pas terrible. Et, C'était la chie, ouais. Ouais, et, ah putain, je sais plus si c'est, je crois que c'était Predator et Alita, ou alors Predator et Les Mondes de Ralph 2, qui était nul à chier aussi. Moi, j'aime pas Wreck-It Ralph. Vraiment, je... T'aimes bien, toi? Le premier était sympatoche, mais c'est sans plus, quoi. T'as pas vu le 2? Non. Non. Bah, apparemment il est pas bien, donc... Bah, en vrai, la seule scène du 2, c'est vraiment les moments où tu vois les princesses Disney parler entre elles, quoi. Et à part ça, bon, le film est pas très intéressant. Ah si, j'ai déjà fait une double séance, c'était pour une projo Star Wars, donc c'était TFA et The Last Jedi. Incroyable. Et c'était super sympa, t'avais des mecs déguisés en Mando. Trop bien, hein, trop cool. Ouais, non, moi, je crois pas avoir fait de double séance. Si, j'ai fait une double séance une fois. Alors ça, c'est ça, faut aller pas le faire, faut pas le faire, hein. C'était pour un cinéaste, et il va nous délaisser, Grush Coff, au montage. Pardon, Grush, en même temps, et ça fait vivre un peu le, voilà, ça donne un peu de vie. Mais, voir un cinéaste chinois, Wang Bing, si des gens connaissent, qui, du coup, fait des films de 9 heures. Et j'avais été voir les deux premières parties de son film dans la même journée. Et c'était vraiment 3 heures la partie du film. Donc j'ai dû passer, genre, plus de 6 heures au cinéma. J'ai cru que j'allais mourir. C'est des longs documentaires en chinois. Enfin, c'est très très long, quoi. Ah bah, dis-toi que j'ai fait un peu pareil, sauf que c'est avec Shoah. Ah ouais. Et bon, on va dire que la fin de la journée n'était pas des plus joyeuses. Ah putain, mais, ouais. C'était important. Et c'est à voir, mais c'est dur. Ouais, ouais, bah surtout dans une même journée, quoi. Ouais. Ah ouais, dur. Mais ouais, hein, c'est... Mais je sais pas vous, ça va faire boomer, hein, mais les films trop longs, maintenant, j'ai du mal. C'est vrai? Bah genre, quand j'ai été voir Dune 2, j'étais en mode... C'est trop long. Un peu en mode, quand est-ce qu'il se finit le film? D'accord. Moi, je ressens pas encore ça avec les films que je vais voir au cinéma, mais les films que je regarde chez moi, des fois, je me dis « Oh, c'est long, j'aurais envie de faire un autre truc, là, tu vois. » Du coup, je regarde assez peu de films. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, bon, si vous devez choisir entre aller voir Avengers Doomsday et Star Wars, allez voir Star Wars, hein, forcément, on prêche pour notre paroisse. Et si ça se trouve, ça sera Robert Downey Jr. qui jouera Dean. Oh putain, incroyable. Il joue tout. Ah, ça me donne envie de me mettre la tête dans un purée, tu penses? Allez, piou! Ah, quand je coiffe, il mettra la... Ah non, attends, pardon. Il faut qu'on parque du parc. C'est à ce moment-là. Pas de piou, Grushkov, pas de piou. Oui, les parcs, ça a été annoncé que du coup, le Land Star Wars de Disneyland Paris ne se fera pas dans le studio. Oui. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être fait dans le parc principal. Ok, il y a un petit truc Star Wars dans le parc principal. Oui. Ah ouais, d'accord. En fait, le Star Tour, il est dans le parc principal. Ok, d'accord. Il est à côté du Space Mountain. Oui, c'est vrai. Il y a des... Bon, c'est que des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi ils étendraient... En fait, ils feraient une zone Star Wars derrière le Star Tour. Mais parce que là, dont on pensait que ça allait faire un Land Star Wars, En France, ça a été annulé, c'est officiel. Voilà, ça a été annulé et à la place, ça sera un land le Roi Lion, pour te faire plaisir, Adrien. Ah putain. Qui sera basé sur le dessin animé, en plus, pas sur le film live action. Ah purée, terrible. Terrible, terrible, terrible. Il y a également eu des news par rapport à au parc aux États-Unis, puisque justement le Millennium Falcon Smuggler's Run, donc vous savez l'espèce de comment dans les Galaxy Z, vous savez l'attraction dans laquelle t'es dans le faucon et tu bouges et tout ça, et ben ça a été ça va être updaté au moment de la sortie du film The Mandalorian and Grogu. Puisque du coup ça il y aura une nouvelle histoire, une nouvelle aventure animée du coup dans le faucon avec Dine Grogu. Voilà. Nice. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais ils ont dit que ça devrait arriver au niveau justement du Smuggler's Run et bien à peu près en même temps que la sortie du film en 2026. Donc bah tant mieux pour les Américains. Bah voilà, ouais, c'est ça, on aurait bien aimé l'avoir en Europe, mais bon, a priori c'est mort parce qu'on peut pas avoir de trucs bien. Donc parce que Disney c'est de la grosse caca là. Voilà. Non mais c'est voilà, pour alors si d'ailleurs si on a des listeners qui nous écoutent et qui ont déjà fait cette attraction donc le Smuggler's Run aux US, n'hésitez pas à nous contacter parce que du coup on aimerait bien avoir un retour de gens qui ont pu faire même Galaxy's Edge aux USA. Donc n'hésitez pas à nous dire. Voilà, on est intéressés. Mais Adrien, c'est des gens riches qui ont fait ça. On n'a pas de riches dans tous ce titre. C'est bien vrai, mais on sait jamais. En parlant de richesse, n'hésitez pas à nous donner de l'argent sur Patreon. Eh oui, on cherche des sugar daddy et des sugar mommy. Oui, c'est vrai. Voilà, comme ça, nous, on pourra directement y aller, en fait, avec Galaxy's Edge. Et on fera un vlog. Ouais, on fera un vlog de Galaxy's Edge. Et promis, on vous fera des photos. Bon, là, on fait la vraie transition. Alors, transition. 3, 2, 1. Alors, on a eu aussi en nouvelle news des news sur le Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Oui. Donc, on a eu un nouveau trailer et on a eu le cast quasi complet, je pense, et une date de sortie, donc le 13 décembre sur Disney+. Alors Adrien, on aura qui dans la série ? Alors, d'après ce que j'ai compris, les deux protagonistes seraient interprétés par Gaetan Matarazzo, qui est l'un des meilleurs acteurs de Stranger Things. Je sais pas ce que t'en penses, Maddy, mais... Oh oui, qui joue comment il s'appelle déjà son personnage ? Dustin ? Dustin, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il jouera le protagoniste et le frère du protagoniste, ce sera, attention, Tony Revolori, mon bébé. Oui ! Mon bébé d'amour. On est trop contents quand on voit des acteurs de Willow, donc voilà. Tony Revolori qui jouait Graydon dans la série Willow, mais également Flash dans les derniers films Spider-Man, voilà. Spider-Man. Ben, on a également pas mal de gros acteurs, grosses pointures, tels que, franchement, on en a plein. Ahmed Best revient, Mark Hamill revient, Naomi Aki revient, Anthony Daniels revient, Kelly Marie Tran revient, Billy Dee Williams revient. Enfin, vraiment, la liste des acteurs est absolument folle. C'est que des gros noms qui ont déjà travaillé dans Star Wars ou non. Du coup, ce film, tu l'as dit, sort au mois de décembre. Et on a également eu un trailer, un tout dernier trailer, il me semble. Et ça va être quand même assez drôle, je pense. Ah bah c'est Lego, hein. Déjà, quand ils ont annoncé, quand j'ai vu les boîtes de Lego, je me suis dit ah, ok, ils ont décidé de faire partir en full What If. Ouais. Et ça va être marrant, je pense. Surtout, attends, déjà Ahmed Best qui fait Dark Jar Jar, ça va être juste incroyable. Ah, ça va être trop drôle. Non, vraiment, je pense que ça va être fun parce que. En fait, je trouve que les gros projets Lego qui sont sortis depuis quelques années, là, Donc, tu sais, comment Holiday Special, là, qui sont sortis depuis quelques années, ils étaient bien, mais c'était jamais trop, genre... c'était jamais aussi drôle que les petites séries Lego qu'ils ont fait, tu vois. Je suis complètement d'accord. Les Free Makers, c'était très sympa. Bah, j'ai pas... Je crois que j'ai pas tout vu, mais... J'ai déjà vu certains épisodes de vieilles séries Lego Star Wars, mais c'est à pisser de rire, vraiment, c'est très très drôle. Ah, mais c'est incroyable. C'est super drôle. Et les épisodes avec Yoda, ils sont juste... Ben voilà, ouais, c'est vraiment... Ça me donne envie d'y revoir. Ouais, moi aussi, mais vraiment, et je me rappellerai toujours de cette scène où, tu sais, qui reprend un peu l'épisode 6, où vraiment t'as Luke à la toute fin, genre... qui voit, tu sais, le fantôme d'Anakin à côté du fantôme d'Obi-Wan et de Yoda. Et Luke, il dit, mais c'est qui ce gars? Et c'est trop drôle, quoi. Genre, c'est... Ah, purée. Non, c'est vraiment, des séries Lego sont marrantes. Et vraiment, si là, c'est aussi drôle, ça peut être vraiment très fun. Ah, on espère. Ouais. Et surtout, on a Tony Revolori dans Star Wars, mais également Marseille Martin d'ailleurs, qui est une jeune actrice qui jouait dans Blackish. Je pense qu'elle est connue pour ça principalement. Voilà. Ah mais oui, t'as un mec du SNL. Ah. Qui sera là? Bobby Moynihan. Bobby Moynihan. Je crois qu'il était dans SNL. D'accord. À l'époque où c'était encore drôle? Alors ça, je peux pas te dire. Ah, mais oui, je le connais, lui. Si, je vois qui c'est. Ouais. Et je crois que c'est lui qui se fait... Oui, c'est ça, il joue dans SNL. Et c'est lui qui joue le Stormtrooper qui se fait casser la gueule par Ben... Enfin, par... comment il s'appelle déjà? Matt, le radar technicien. Dans l'épisode du SNL avec Adam Driver. Ah, d'accord, ok. Ah, bah c'est rigolo, ça. D'accord. Bah écoute, très bien. Et je vois sur sa page Wikipédia qu'il a joué dans pas mal de trucs Star Wars, puisqu'il a déjà prêté sa voix dans Star Wars Visions, mais également dans The Clone Wars. Donc, voilà. Puis il a taffé sur la bande à Picsou aussi. Ah, d'accord. Ah oui, donc un habitué de chez Disney, finalement. Grushkov est très en colère suite à cette section à cause de l'horrible oubli du rôle phare de Bobby Moynihan dans Star Wars Resistance, Orca, du duo légendaire Flix et Orca. Ok. Eh ben en tout cas, voilà, du beau monde pour ce beau projet. Alors, j'ai un peu honte, mais c'est un film. Mais alors, est-ce que c'est un... Je sais pas vraiment si c'est un long métrage ou un court métrage. Ou un moyen métrage, tu sais ce que c'est toi ou pas? Alors non, je vais regarder du coup. Je regarde aussi. On est vraiment pas préparé, hein, vous pouvez le voir. C'est vraiment, Grushkov est pas là, donc on fait ça, un peu comme. Mais c'est une série en fait. C'est une série. Il me semblait bien que c'était ça. Hein. J'étais juste pas sûr. C'est sa mini-série en 4 parties. Et ça commence quand? Ça commence en septembre. Ah, Google me propose d'acheter les 7. Notamment le faucon noir à... On va faire un juste prix. Hein. Allez. Je pense qu'il est à combien? Allez, 150. Plus. 200. C'est moins. 170. C'est plus. 185. C'est moins. 179. Oh, oui, allez. Mais 179,99. C'était ça. Ah, c'est cher quand même. Ah ouais, hein. Oh la vache. Ah là là, devoir payer 180 balles pour avoir un parc chargeur. Je suis content qu'il se soit réapproprié ce personnage Ahmed Best. Vraiment, ça me fait trop heureux. Ça me rend trop heureux. Il mérite. Ouais, c'est clair. Il mérite de rigoler avec son perso et de kiffer. Là où justement, Darth Jar Jar aurait pu être, tu sais, une espèce de même un peu bizarre, un peu malsain même envers lui et son personnage, bah lui il a récupéré et je trouve ça trop cool. Et bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. J'espère qu'on n'a pas oublié de news. Si c'est le cas, Grushkov va nous casser le visage, mais c'est pas grave, on l'aimera quand même. Il va nous envoyer une notification de licenciement. C'est ça, t'imagines? Vous êtes viré. On se retrouve de toute façon bientôt pour parler peut-être de eh bien Star Wars Outlaws qui sort très bientôt. On verra si on en parle ou pas. On n'a pas encore trop parlé entre nous, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut si vous pouvez, ou mettre 5 étoiles, tout ça, pour aider à nous faire connaître davantage. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord, les liens sont dans la description. On vous fait des gros bisous et à bientôt. Bye! Comment j'ai pataugé de ouf? Grouche coiffe, il va me casser la gueule. On t'aime, Grouche, merci pour tout.